Même si on m'a dit, faut pas que tu traînes ici. Même si on m'a dit, faut pas que tu fasses comme lui. Et même si on m'a dit, je suis ton ami, moi je te le dis, je m'en bats les couilles de ce qu'on me dit. Même si on m'a dit, faut pas que tu viennes comme ça. Et même si on m'a dit, éclate-moi cette face de rat. Et même si on m'a dit, écoute-moi, moi je te le dis, je m'en bats les couilles de ce qu'on me dit. Tu sais, dans la vie, deux choix s'ouvrent à toi. Celui des hypna et celui des hitka. T'es un hypna et nous des hitka. Dans le premier cas, casse-toi car on est roi. Roi du ghetto avec mes potos, j't'ai vu trop traîner au marais. Donc là j't'ai faim, tu t'extringues, balle trinque.